Enseignement par le Vénérable Sayadaw Unanujota Bivamsa, retraite de méditation Vipassana 2020, Centre d'Amarancy. Les 9 causes de renforcement des 5 Indriyas. Sayadaw nous a déjà parlé des 5 premières causes qui vont renforcer les facultés de contrôle. Hier, il a été question de la 5e cause. Cette 5e cause de renforcement des indriyas du méditant vipassana consiste à connaître les causes qui lui ont permis d'atteindre le samadhi dans le passé. Parfois, la méditation est bonne. Parfois, elle l'est moins. Le méditant doit essayer de se souvenir dans quelles conditions il se trouvait au moment où sa méditation était fructueuse. Si le méditant connaît les causes d'une bonne méditation et les causes d'une mauvaise méditation, il pourra chaque fois adapter sa pratique et sa méditation va pouvoir progresser. Ses indriyas vont se renforcer et il progressera dans la connaissance du Dhamma. Aujourd'hui, Sayadaw va nous parler du 6e facteur de renforcement des indriyas du méditant vipassana. Ce 6e facteur consiste à contempler les Bodhjanga Dhamma ou facteurs d'éveil appropriés. La méditation a ses hauts et ses bas. Par moments, le méditant sera bien concentré. Sa méditation pourra bien progresser, ses annotations seront très bonnes et il réalisera le Dhamma. Il se sentira alors submergé par la joie. En conséquence, sa concentration va faiblir, régresser. À d'autres moments, il aura des difficultés, il ne progressera pas beaucoup et ne réalisera pas grand-chose. Il va expérimenter toutes sortes de dukkha vedana, des sensations désagréables. Il sera alors découragé et démoralisé. S'il sent que sa concentration faiblit, que ce soit parce qu'il est trop agité, trop heureux, ou parce qu'il est découragé, démoralisé, le méditant doit contempler les facteurs d'éveil appropriés. Si le yogi se sent déprimé, découragé au cours de sa pratique, il est recommandé qu'il entende ou qu'il écoute un bon enseignement sur le Dhamma. En comprenant mieux le Dhamma, il va pouvoir introduire en lui le facteur d'éveil de l'investigation du Dhamma, de la sagesse. En introduisant ainsi le facteur d'éveil de l'investigation du Dhamma, Dhamma Vichaya Sambojanga, il va pouvoir atténuer son découragement et son observation va s'améliorer. Il est donc important que dans ces circonstances, il écoute un bon enseignement ou qu'il ait les encouragements du professeur. Il va également introduire en lui le facteur d'éveil de la joie et sa concentration va s'améliorer. En contemplant ainsi le facteur d'illumination de la joie, son énergie va également se développer. Lorsque donc vous vous sentez déprimé au cours de votre pratique, découragé, vous devez faire appel à 3 facteurs d'illumination. Dhamma Vichaya Sambojanga, le facteur d'illumination de l'investigation du Dhamma, la connaissance. Piti Sambojanga, le facteur d'illumination de la joie. Et Viriya Sambojanga, le facteur d'illumination de l'énergie. Vous faites l'effort d'écouter attentivement cet enseignement sur le Dhamma et vous développez ainsi le facteur d'illumination de Viriya, l'énergie, et le facteur d'illumination de Dhamma Vichaya Sambhojanga, l'investigation du Dhamma. Et tout ceci va faire apparaître la joie en vous. Lorsque donc vous vous sentez déprimé, vous devez faire appel à ces trois bojanga, ces trois facteurs d'illumination. L'investigation du Dhamma, l'énergie et la joie. Par moments, c'est l'inverse qui va se produire. Le méditant fait de très bonnes expériences, sa pratique se développe bien, il est enthousiaste et excité à cause de cette bonne pratique. Ce méditant doit alors se montrer patient. Le yogi va alors constater que sa pratique n'est plus aussi bonne que précédemment, sa concentration a baissé. Le yogi se sent submergé par la joie et ceci provoque un relâchement de sa concentration. Il est excité, son niveau de concentration régresse et son observation s'est affaiblie. Il n'arrive plus à noter les mouvements de l'abdomen, il n'est plus attentif. S'il se trouve dans cette situation, le méditant doit faire appel à trois autres bojanga, trois autres facteurs d'illumination. Ces trois bojanga qu'il devra donc contempler s'il se trouve surexcité et incapable de noter sont tout d'abord Pasadi Sambojanga, le facteur d'illumination de la tranquillité, Samadhi Sambojanga, le facteur d'illumination de la concentration, et Upeka Sambojanga, le facteur d'illumination de l'équanimité. En faisant appel à ces trois bojanga, il va pouvoir retrouver sa bonne pratique, son samadhi va reprendre son développement et il pourra noter correctement les objets. Lorsque son esprit est pris par l'agitation, qu'il n'est pas concentré, qu'il spécule sauvagement, le méditant doit revenir à l'instant présent et s'y maintenir. Il doit essayer de noter tout ce qui se passe de façon précise au moment même où cela se manifeste. Il va ainsi pouvoir faire surgir en lui Samadhi Sambojanga, le facteur d'illumination de la concentration. Et son esprit va se stabiliser et se concentrer. La présence d'un bon professeur est très importante car il va pouvoir aider l'élève qui se trouve dans ses impasses. Il connaît son élève et il sait la situation dans laquelle il se trouve. Il sait les remèdes qu'il faut apporter. C'est pourquoi il est très important de faire confiance au professeur et de suivre sa guidance. Le méditant, quant à lui, doit se montrer très honnête et très sincère au moment de l'entretien. Il doit expliquer exactement dans quelle situation il se trouve, de façon à ce que le professeur puisse l'aider efficacement. Donc, pour résumer, vous devez faire appel aux facteurs d'illumination, de l'énergie, de la joie et de l'investigation du Dhamma lorsque vous êtes déprimé, découragé, et aux facteurs d'illumination de la tranquillité, de la concentration et de l'équanimité lorsque vous êtes surexcité à cause de bonnes expériences. Vous êtes ici depuis plusieurs jours et vous avez déjà, dans une certaine mesure, réussit à développer ces facteurs d'illumination en vous. Faire appel aux facteurs d'illumination lorsque la pratique est difficile constitue donc le sixième facteur de renforcement des indriyas du méditant vipassana. Le septième facteur d'illumination, c'est sati l'attention, sati sambojanga. C'est le plus important. Soyado en restera là pour l'explication des sept facteurs d'illumination, car c'est un sujet qui est très vaste Et pour expliquer ne fût-ce qu'un de ces facteurs, cela prendrait toute la journée. Contentez-vous de savoir que lorsque vous êtes en difficulté dans la méditation, vous devez essayer de contempler ces bojangas, que ce soit les trois bojangas qui concernent la dépression ou les trois bojangas qui concernent la surexcitation. Quant au septième bojanga, sati, l'attention, c'est le plus important, elle doit être pratiquée et développée à tout moment. Voyons maintenant le septième facteur de renforcement des indriyas du méditant vipassana. Ce septième facteur consiste à pratiquer sans aucune considération ni pour le corps ni pour la vie. Lorsqu'on pratique vipassana, il ne faut pas s'inquiéter ni pour son corps ni pour sa vie. Il y a des méditants qui travaillent très sérieusement, qui font beaucoup d'efforts et qui à un moment ont peur soit de tomber malade, soit d'avoir un accident, soit d'être excessivement fatigué. À cause de cette inquiétude, ils n'arrivent pas à pratiquer correctement. Leur effort est interrompu. Il faut donc éviter de se faire du souci, que ce soit pour les douleurs physiques ou même pour la vie. Il faut pratiquer sans considération pour ces choses, en faisant un gros effort. Si des douleurs apparaissent, des douleurs intenses, et que le méditant s'inquiète, sa concentration va en pâtir. Ce méditant ne pourra pas, en conséquence, développer la concentration et donc la sagesse. Essayez de voir le corps comme un tas de détritus. Mais comprenez également qu'il est possible d'extraire de ce tas de détritus quelque chose de très précieux. Vous pouvez extraire de ce tas de détritus qu'est votre corps la chose la plus précieuse qui soit, c'est le Dhamma. Il faut extraire l'essence de ce corps qui n'est qu'un tas de pourriture, et l'essence de ce corps, c'est Sila, la moralité, Samadhi, la concentration, et Panya, la sagesse. De ce tas de détritus, vous extrayez l'or. Vous ne devez pas non plus vous préoccuper des autres. Vous ne devez pas vous en faire pour les autres. Il y a une histoire à ce sujet qui explique que si on se fait du souci pour les autres, ce sera difficile de progresser. Un vieux moine et son novice avaient l'intention de passer les 3 mois du Vassa, 3 mois pendant lesquels les moines sont censés méditer, dans un monastère pour se protéger de la pluie. Le moine avait été accepté, mais son élève, qui était beaucoup plus jeune, n'avait pas été accepté. Il avait donc dû trouver un autre endroit pour méditer. Ils pratiquèrent donc tous les deux pendant les 3 mois de la mousson, mais dans des monastères différents. Le moine âgé, qui se trouvait donc à l'abri de la pluie dans un monastère bien construit, se faisait du souci pour son jeune novice qui, lui, avait dû se rendre dans un endroit qui, probablement, n'était pas très sûr. Sa méditation fut donc constamment perturbée par les soucis qu'il se faisait pour son jeune novice. À la fin du Vassa, le jeune moine retrouva son professeur et ils se posèrent mutuellement des questions à propos de leur pratique. Le vieux moine dit à son élève qu'il n'avait pas pu bien méditer, tout simplement parce qu'il s'était fait du souci pour lui. Le jeune novice, par contre, ne se fit aucun souci pour son professeur et put méditer de façon très fructueuse tout au long de la mousson. Cette histoire illustre donc le fait que si on se fait trop de soucis pour ses proches, pour ses amis, pour les autres, pendant la méditation, la pratique sera perturbée. Il faut donc se souvenir que si on se tracasse trop pour sa famille, pour ses amis, pour ses connaissances qui sont restées à la maison, ou même pour les compagnons de route qui méditent en même temps que soi, cela va perturber la pratique et on ne pourra pas bien progresser. C'était donc le 7e facteur de renforcement des indriyas du méditant vipassana. Il faut pratiquer sans se soucier de ceux qui sont restés derrière soi, en n'ayant aucune considération ni pour son propre corps ni pour sa propre vie. Si on pratique de cette façon, la concentration va se développer et on pourra faire surgir la sagesse et atteindre des niveaux très avancés. Si vous avez des sensations douloureuses, essayez de les observer, même si elles sont très intenses, et ne vous faites pas trop de soucis à propos de votre santé ou de votre vie. Sayadaw vous souhaite à tous de développer vos facultés de contrôle en réalisant cette 6e et cette 7e cause pour cela. Puissiez-vous tous pratiquer avec vigueur et réaliser votre but.